Alors Catherine et Félix, aujourd'hui j'aimerais vous apprendre l'anglais, enfin commencer à vous apprendre l'anglais. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que grâce à notre histoire commune entre la France et l'Angleterre, et aussi grâce, dans une certaine mesure, aux Romains, la langue anglaise possède énormément de mots qui ressemblent étrangement au français. Alors historiquement, non seulement il y a eu les Romains, puis il y a eu l'invasion normande de 1066 avec Guillaume le Conquérant qui a apporté énormément de mots français dans la langue. Puis il y a eu, dans l'autre sens, la guerre de Cent Ans. Il y a énormément d'Anglais qui sont venus en France et qui ont, il y a donc eu des échanges et ils ont pris, emprunté des mots français à la langue française. Un peu plus tard, il y a eu les Huguenots qui sont venus se réfugier ici. Et puis à la Révolution française, les nobles, ce qui fait que tout cela a apporté un grand nombre de mots français dans la langue anglaise. Et à l'heure actuelle, on estime qu'il y a à peu près 60% de mots d'origine française en anglais. Le problème, comme le disait Alexandre Dumas lorsqu'il a essayé d'apprendre l'anglais, il a lu un article ou il a lu un livre, mais il a dit, mais l'anglais, c'est du français mal prononcé. Alors, la grande différence, c'est la différence de prononciation. Difference of pronunciation. Donc, c'est une question d'accent. A question of accent. Et pour commencer, to commence, to begin. Et alors là, vous voyez, il y a deux mots. Il y a to commence, to begin. To commence, commencer, c'est un mot d'origine française. Mais begin, par contre, c'est un mot d'origine saxonne, parce qu'il y a donc les autres 40% de mots venant dans l'anglais. Ce sont des mots anglo-saxons, des mots vikings, donc danois. Ce qui fait que bien souvent, dans la langue anglaise, on a des mots qui sont évidemment difficiles pour nous, mais ils sont finalement très peu nombreux. Et même pour les Anglais, il est très amusant de constater que le journal le plus populaire du soir, le Evening Standard, Evening, c'est le soir, journal du soir donc, a des mots croisés très simples où la seule façon de trouver la réponse, c'est de connaître l'équivalent dans l'autre langue, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui va être français, il va peut-être y avoir écrit rouge, et puis la réponse, ça va être red. C'est un mot d'origine saxonne. Ou alors, on va avoir le mot red, et il va falloir écrire la réponse est rouge. Donc, il y a ces deux vocabulaires qui fonctionnent en parallèle. Ce qui fait qu'en fait, avec presque uniquement des mots d'origine française ou latine, on arrive à parler anglais. Un anglais qui est particulièrement recherché. Et les Anglais utilisent ce mot « recherché ». Vous voyez la différence de prononciation. Donc, j'espère que dans une demi-heure, 45 minutes, eh bien, vous aurez acquis de cette façon-là un vocabulaire d'environ 3000 mots. Ah oui, imaginez un peu, 3000 mots en 45 minutes. Avec 3000 mots, on peut dire pratiquement tout ce qu'on veut. Si vous y réfléchissez bien. Il faut faire des paraphrases, peut-être. On n'utilise pas toujours le mot exact. Mais enfin, on arrive à bien se débrouiller avec 3000 mots. Alors, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Et on va voir des exemples de mots qui se ressemblent. Alors, une première famille, ce sont les mots qui se terminent par « ible » ou « able ». « Ible », hein, I-B-L-E et « able », A-B-L-E. Donc, ils s'écrivent de la même façon en français et en anglais, mais à nouveau, on a une différence de prononciation, a different pronunciation.